Dites-moi maintenant, qui est cet homme-là? Cet homme-là est qui? Je dois mettre l'accent sur le fait que c'est un homme ou est-ce que je peux utiliser personne? Vous pouvez employer personne. Qui est cet homme-là? Comment dites-vous étudiant? Et qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Bien, alors la première partie, ça veut dire apprendre, et sheng désigne quelqu'un qui a une certaine fonction. Donc c'est quelqu'un qui apprend. Oui, c'est ça, exactement. Alors maintenant, on va écouter le mot pour dire mari ou monsieur. Xiansheng, xiansheng, xian, pouce vers coucher, sheng, point fermé, xiansheng. Donc la première partie du mot, hein, le xian, signifie premier ou avant. Dans la langue familière, en chinois oral, très souvent, la deuxième syllabe, qui devrait être un pouce vert ou autre chose, sera un peu éludée au point que le ton devienne presque un ton neutre, point fermé. Et c'est bien le cas pour le mot étudiant et le mot monsieur, qui se dit xianzheng. Donc, vous entendrez souvent xianzheng, qui est un pouce vert, point fermé. Alors, les deux sont acceptables, que ce soit deux pouces verts xianzheng ou un pouce vert suivi d'un point fermé. Xianzheng. Le second sheng est celui que vous entendrez le plus souvent. Mais si vous voulez utiliser deux pouces verts, vous serez parfaitement compris. C'est juste que dans le discours rapide, l'accent est mis sur le premier ton et parfois les autres tons sont éludés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire la même chose avec étudiant? Oui, exactement, oui. Oui, c'est vrai. Donc étudiant pourrait se dire xuéxiàng. Oui, xuéxiàng. Mais les gens le disent plus rapidement, juste xuéxiàng. Très vite. Ah oui, merci. Et maintenant, reprenons l'autre exemple avec ces deux prononciations. Rappelez-vous le mot qui veut dire monsieur ou mari. Xiànsheng. Xiànsheng. Et maintenant, le mot pour dire étudiant. Xuésheng. Xuésheng. Monsieur, xiànsheng. Et madame, taitai. Et des parents. En fait, ils étaient mari et femme, car le mot taitai a aussi le sens de madame, c'est épouse et madame. C'est monsieur Wang, Wang. Monsieur Wang, avec un doigt bleu levé. Donc on dit Wang en français, mais en chinois, cela se prononce Wang. Avec le doigt bleu levé. Et en chinois, le nom d'une personne se place avant le titre, avant monsieur ou madame. Donc, pour monsieur Wang, on dira en fait « Wang, monsieur ». Alors, comment dites-vous « monsieur Wang » avec le doigt bleu levé ? Wang, xiansheng. Wang, xiansheng. Ou Wang, xiansheng. C'est monsieur Wang. Je, ta, shi. Wang, xiansheng. Alors encore une fois, c'est monsieur Wang. Zhege Wang xiansheng. Comment dites-vous c'est monsieur Wang? Ah oui, j'ai oublié, shi. Oui, c'est exact. Mais il y a autre chose. On ne dit le que lorsqu'on fait directement mention de quelque chose. Dans notre phrase, on dit juste c'est. Et donc, on n'a pas besoin de « que ». Pour ce livre, cet homme, vous direz « je ». Mais dans cet exemple, vous dites « c'est ».« Je suis Wang xiansheng. C'est monsieur Wang. « Je suis Wang xiansheng. Vous avez remarqué que ma collègue et moi-même parlons à des hauteurs de voix différentes. Nous n'avons pas la même voix, mais nous employons les mêmes tons. Enfin, du moins, je l'espère. Et donc, nous serons compris de la même façon. C'est pourquoi la hauteur de la voix n'est pas un problème.